Oreiller d'Est, oreiller d'Ouest. Cette histoire est maintenant du passé. Dans la province de Shenzi, près de la cité de Shouan, il y avait en ce temps-là un homme qui nourrissait dans son cœur une haine implacable contre le Seigneur, Yang Yu Wei. Les raisons en étaient obscures et lointaines, mais Yang devait être tué. Or, celui-ci venait d'épouser une femme gracieuse et belle dont le cœur était droit. Un matin, l'homme se glissa dans la maison de Yang Yu Wei qui était absent. Alors il se saisit du père de l'épouse, le lia, lui mit un couteau sur la gorge et dit « Première épouse, indique-moi où est ton mari, sinon je coupe le cou du vieil homme à l'instant. » « Je te le dirai, » fit la noble épouse qui avait gardé son sang-froid. « Laisse aller, mon père. Reviens cette nuit. Entre dans la chambre nuptiale. Je dors sur l'oreiller de l'ouest, mon époux sur l'oreiller de l'est. Tu pourras le tuer aisément. » L'ennemi lâcha le vieil homme et s'en alla. Pendant la journée, Pao Tai vaqua à ses occupations habituelles. Elle était peut-être un peu plus grave et pensive, mais toujours calme et sereine comme à l'ordinaire. Elle rencontra la jeune Chu, une concubine qu'elle aimait d'amitié. Toutes deux se tinrent par les manches et parlèrent longtemps en chuchotant. Quand l'époux rentra, Pao Tai ne l'informa pas de la visite de son ennemi. Yang revenait d'un voyage et il avait passé une journée harassante. Il se mit au lit assez tôt et posa sa tête sur l'oreiller de l'est. Au premier quart de la nuit, Pao Tai se leva. « Que fais-tu ? » interrogea Yang. « C'est pour le petit motif, » répondit modestement Pao Tai. Quand elle revint, elle dit « Mon cher Seigneur, je suis un peu indisposée. Consentez-vous à changer de place avec moi ? Je dormirai sur l'oreiller de l'Est. Ainsi, je ne vous importunerai pas si je dois me lever à nouveau. » Yang, qui dormait à moitié, accepta dans un grognement. Un peu avant l'aube, la nuit était profonde encore. L'ennemi pénétra dans la maison. Il tenait à la main son grand sabre de guerre. Il alla droit à la chambre des époux, et d'un seul éclair de sa lame, il trancha la tête posée sur l'oreiller de l'Est. À ce moment, il se pencha pour contempler de près Yang enfin mort. Mais il vit la face blême de Pao Tai et ses longs cheveux défaits. Il comprit que la femme avait changé de place avec son mari, et son âme connut le remords et la pitié. Alors la haine qui lui brûlait le cœur depuis tant d'années le quitta. Il fit le serment de mettre un terme à la longue vindicte qui déchirait les deux familles. Et Yang lui devint comme quelqu'un de même os et de même chair. Ainsi, il y eut une épouse qui, sans hésitation, ni forfanterie, ni parole inutile, offrit sa vie pour son mari. Et dans le même élan, subrogea l'amour à la haine, la paix au combat. Mais cette sorte de femme est très rare. Aussi est-elle connue et honorée dans toute la Chine et peut-être au-delà. Ainsi a-t-il été rapporté des choses du passé. Marcher est zen. S'asseoir est zen. Que je parle ou je me taise, en paix ou sous la menace du sabre, dans l'éternel Atma, tout est immuable.